Moi, vous savez, je suis qu'un pauvre paysan, hein. Madame, je parle de Marignan, parce que je connais Marignan, chacun parle de ce qu'il veut, je connais la Guignard, je vois les régions, je les affaires des autres ne me regardent pas, chacun fait ce qu'il veut. Je fais un peu le blé. Moi, qu'est-ce que j'ai comme blé? J'ai rien, j'ai pas grand-chose que j'ai comme blé. J'ai peut-être dans les 80-85 hectares de blé, quoi, pas plus. Mais ça paye pas. Le blé, ça paye pas. Ça a eu payé. Ça paye, oui, si on veut, après, si on veut, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye... Ça paye la semence, quoi. Je suis qu'un pauvre paysan. Je fais un peu la vigne. Au moins que j'ai rien comme vigne, est-ce que j'ai peut-être dans les 95-98 hectares de vigne. J'ai du direct, j'ai du muscat, mais la vigne, ça paye pas. La vigne, ça paye pas. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Si, si on veut, ça paye, c'est-à-dire, ça paye, si on veut, ça paye, mais quoi, ça paye quoi, ça paye... Ça paye le sulfate, quoi. L'autre jour, j'étais à la foire, là, je voulais acheter un autre acteur, je voulais l'acheter, enfin, j'ai dit, tiens, je vais y aller comme ça pour moi, quand un peu les affaires des autres, moi, les affaires des autres, à mon enfant. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et avec ces nouveaux tracteurs, c'est des moissonneuses-lieuses canadiennes. C'est nouveau, fallait y penser. C'est des moissonneuses-lieuses qui charrient par derrière. Comme ça, on perd pas de temps. Il fallait y penser. Alors, vous avez votre moissonneuse qui moissonne. Les balles de paille tombent d'un côté, ça ramasse le grain. Par derrière, vous avez une charrue de 17 socles. Et par derrière, ça ressème le blé que vous avez récolté. C'est pas tellement au point, quoi. Alors j'ai demandé le prix. Au moins que je voulais pas lâcher, j'ai dit que je voulais lâcher, j'ai dit que 90 millions anciens francs français. Vous voulez où j'aille les chercher, moi, 90 millions? Je suis qu'un pauvre paysan. Alors j'en ai pris un petit à côté, là, à 33 millions. Je fais un peu l'orge, je fais un peu la ouane, je suis obligé de faire la ouane parce que je fais le chevan. Moi qui j'ai rien, quand je fais des chevaux, j'ai rien, j'ai bien dans les 110, 115 chevaux, quoi. C'est suivant les années, si les juments, elles ont bien vêlé, alors à ce moment-là... Mais le cheval, ça paye pas. Ça a eu payé. Je préfère faire le cheval que de faire la vache. J'aime pas faire la vache. Marqué de père en fils, on fait la vache. On a 25 hectares de prairies, alors on continue à avoir les vaches. Il est peut-être dans les 75-80 bêtes à compte, pas plus. Je suis qu'un pauvre pays, là. Mais la vache, ça paye pas. Ça a eu payé. On est un jour à la maison, on est à la ferme, on ira à la chasse un petit jour. On mangera un peu de pain de seigle le matin, parce que je fais mon seigle, moi, pour faire mon pain. Moi, j'aime pas bien manger ce pain blanc, là, dès les boulangers, ils mettent des produits, c'est blanc, j'aime pas bien. Bon, moi, que j'ai rien, qu'est-ce que j'ai peut-être 5 ou 6 hectares de seigle, pas plus. Le matin, je coupe ma tranche de pain de seigle, là, avec moi du jambon et tout, du beurre, je fais moi. Manquer le seigle, ça paye pas. Le seigle, ça paye pas. Ça n'a jamais payé. Ma femme fait la chèvre. Elle fait le cochon. Elle fait la volaille. Je vous vois venir, vous qui êtes de la ville. Vous êtes en train de vous dire, mais alors vous, les paysans, vous payez pas votre pain, vous payez pas votre vin. Vous payez pas votre lait, vous payez pas votre beurre, vous payez pas votre fromage, vous payez pas vos volailles, vous payez pas votre viande, vous payez mais faut payer le sel.